que pour te haïr davantage. C'est ainsi que Médée, ardente à se venger, exprimait à Jason sa colère fatale. Mais son courroux affreux tomba sur sa rivale. Créuse paya cher le plaisir. Victoire, et souvent tu restes au vainqueur.